Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profitent de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incitent à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaison Vesson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison Vesson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas Besson! On va parler du centre de ski, le Domiski hier. Là, on va parler du centre de ski, le Toboski de Saint-Félicien. C'est un autre, évidemment, centre de ski. On va parler. Il doit y avoir de la belle neige. La saison s'en vient. Bonjour. On va parler avec Mme Sylvie Quentin, directrice générale. Bonjour, Mme Quentin. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Mme Quentin, à la lumière du centre de ski, le Domiski, on doit être content d'avoir autant de neige à l'heure actuelle, là. Oui, nous autres, ça a super bien été là, cette année. On a réussi à ouvrir quand même assez rapidement. Notre première journée d'ouverture, là, on n'était pas ouvert toutes les pentes, mais on avait quand même trois pentes d'ouvertes déjà au 3 décembre. Donc, ça fait déjà trois fins de semaine là, qu'on est ouvert puis qu'on offre le ski de ça. En fin de semaine qui s'en vient, là, on va être ouvert 100% avec les glissades, les glissades de la Pentecôte. La neige pour le parc à neige est là. Il va nous rester à monter tout ça là, pendant le temps des fêtes. Comment vous, évidemment, la pré-vente, comment ça s'est passé là-bas au centre de ski de Toboski? Ben, nous, on n'a plus de pré-vente okay. Avec un rabais avant telle date. Nous autres, on a les cartes de vente sont en vente jusqu'au 31 décembre. Ça va très bien. Quand on commence tôt en saison comme ça, c'est toujours un peu un incitatif. Hein. Les gens ont plus l'impression de rentrer dans leur argent que quand on est capable de leur offrir des pentes seulement le 25-26 décembre. Donc, ça s'est bien passé. Au bazar, on en a vendu déjà aussi. Il y a beaucoup de mordus de ski dans la région. Ben oui, c'est ça. Comment qu'il y a de membres, finalement, au centre de ski Toboski, à peu près? J'ai pas le décompte en date d'aujourd'hui. Par contre, nous, on tourne toujours aux alentours de 400-450 membres pour le ski alpin. 90 pour le ski de fond. On a, depuis deux ans, là, on a le fat bike qui prend d'ampleur là, terriblement. L'année dernière, on avait une soixantaine de membres. À date, je crois qu'on bat déjà ce nombre-là. On se bat sûrement proche du 80-90 membres là, en fat bike aussi cette année. Puis ça, c'est comme je disais au président, au directeur général là, du Domiski, la journée qu'ils vont mettre ça un petit peu plus accessible. Ça va être intéressant, puis je pense qu'on a l'explosion, parce qu'un bon fat bike, c'est 8-900$. C'est pas tout le monde encore qui peut se payer ça, là. Mais que ça, il y a 300-400$, ça va être encore mieux, là. Ouais, nous, au Toboski, par contre, on a une flotte, on a une douzaine de vélos en location. Okay. Donc, les gens qui veulent vraiment essayer ça, là, il y a possibilité de faire la location pour des journées ou des demi-journées. Si on veut essayer ça, voir si on va aimer ça, parce que c'est sûr que d'investir un 8-900$ avant de savoir si on va aimer ça, c'est beaucoup de sous. Mais si des gens veulent venir faire l'essai, là, chez nous, c'est possible, on en a en location. Combien qu'il y a de pistes à l'heure actuelle d'ouvertes? Est-ce que les skis de fond sont ouverts aussi actuellement? Oui. Oui, le ski de fond est ouvert, le fat bike, avec les petites bordées de neige qu'on a eues, c'est beau pour la raquette aussi. Les glissades, nous, on est à 100%. La seule chose qui nous manque, là, qui est pas tout à fait prête, c'est le parc à neige. Par contre, là, on a la neige nécessaire pour monter les modules. Ça va se faire tranquillement, pas vite, là, dans le temps des fêtes. OK. Donc, y a-t-il des nouveautés également, peut-être, à mentionner? pas vraiment de nouveautés, mais vraiment là, le gros, nous autres, là, le gros, ce qui prend beaucoup de place de plus en plus, c'est vraiment notre portion fat bike là, avec l'entretien de santé qui est fait régulièrement, tout ça aussi. Il y a vraiment un engouement pour cette nouveauté-là. OK, OK. Dites-moi, le fait que c'est une année olympique aussi, à quelque part, ça va être bon aussi pour les inscriptions. Ça, année après année, c'est pas mauvais, hein? Pour les clubs de compétition, ça fait des différences, ça. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis aussi à l'aréna, donc, tu sais, quand on le voit, là, pas pour 2017-2018, mais pour 2018-2019, souvent, il y a un regain. Tu sais, quand Marianne Saint-Gelais gagne une médaille, ben pour le club de patinage de vitesse, c'est souvent bon. Il y a souvent des ce genre de performance là des athlètes, surtout si c'est des athlètes du coin. Habituellement, ça donne une vague là, d'inscription pour les clubs du coin. Okay. Ben, Madame Sylvie Quentin, je vais vous souhaiter une bonne année, une belle année encore une fois, et beaucoup de santé, un joyeux Noël également, et au risque, ça sera parlé peut-être à la fin pour faire le bilan de tout ça, de l'année de 2017 Autobosky. Je vous souhaite la même chose à vos auditeurs, puis effectivement, on se reparlera en fin de saison, puis même si en cours de saison, si jamais vous voulez avoir des nouvelles, gênez-vous pas pour nous appeler. Effectivement. Donc, Sylvie Quentin, la directrice générale du Centre de ski d'Autobosky.